C'est comme le Prawat, c'est-à-dire ceux qui sont de l'élite, ceux qui sont qui ont les karamat, c'est-à-dire qu'un certain niveau de spiritualité en ce moment-là donne quelque chose qui est el fokram ou el karamat, c'est-à-dire quelque chose qui est supérieur à l'ordre naturel. Vous n'avez même pas besoin de parler, personne ne vous regarde et la vue. Elle peut vous dire des choses qui en vous, vous n'avez même pas parlé. C'est comme si on vous voyait comme ceci. Des choses même qui viennent de l'extérieur, des choses qui sont le trouble. Comme celui, cet étudiant qui vient, qui dit, j'étais vers mon cher, il avait une vie extrêmement sombre, extrêmement, mais il voyait, il avait ses karamats. Il vient vers lui, il n'a rien dit, lui il était troublé, il venait de sortir d'une affaire de famille, il était troublé, mais il n'avait rien dit. Il donnait cette impression-là. Et puis il prend la main, puis il lui met la main sur le cœur, comme ceci. Il vient à lui, il lui met la main sur le cœur, lui dit, ils vont se réconcilier. Ça, ce sont des dimensions de la foi. Mais ce niveau-là, c'est peut-être pas le nôtre. Mais le nôtre, c'est de vivre avec un peu de silence.